l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Difficile de ne pas penser à cette expression en ouvrant ce dossier vieux de tout juste 20 ans. Un dossier oublié, tombé dans les poubelles de l'histoire et pourtant, comme il semble actuel aujourd'hui. Mais, comme dirait Monsieur X, n'allons pas trop vite. C'était donc en octobre 1983, au beau milieu de la crise des euromissiles et alors que la guerre froide flambe à nouveau comme au temps du maccartisme ou des procès staliniens. À Washington, feu le président Reagan ne parle de l'URSS que comme de l'empire du mal. Et à Moscou, nous en avons parlé il y a peu de temps, le numéro 1 soviétique, Yuri Andropov, est persuadé que tôt ou tard, les forces de l'OTAN déclencheront une attaque nucléaire au-delà du rideau de fer. Et pour prévenir cette attaque, il a mobilisé l'énorme machine du KGB dont les agents dans le monde entier doivent en priorité noter ce qui pourrait apparaître comme un début de préparation de cette offensive nucléaire. Bref, jamais, depuis la crise des fusées de Cuba, le monde n'est passé aussi près de l'apocalypse. C'est dans ce contexte de tension extrême que les États-Unis envahissent soudain une petite île paradisiaque des Caraïbes, la Grenade. Un minuscule État indépendant qui est attaqué au mépris du droit international sous le prétexte que cette île est en train de devenir un nouveau Cuba et donc une menace pour les États-Unis dont les premières côtes se trouvent pourtant à 2400 km de la Grenade. Alors pourquoi cette invasion? Que cache-t-elle? Monsieur X ouvre le dossier dans un instant. Avec X. La Grenade, c'est une des plus belles îles des Antilles. Un véritable décor de rêve, des petites villes qui ont gardé le charme de l'époque coloniale. Une ancienne colonie britannique. Hein. Oui, mais enfin, qui a été longtemps une possession française. Ce qui explique qu'on y trouve encore beaucoup de lieux-dits aux noms très savoureux, d'ailleurs. Comme Crochu, Mardi Gras, La Taste Fendue ou encore Permontant. Ouais. En réalité, Grenade a été découverte par Christophe Colomb. Mais elle a été colonisée au début du XVIIe siècle par des aventuriers français qui se sont empressés de massacrer la population autochtone. Des Indiens caraïbes, oui, qui se sont battus farouchement jusqu'au dernier. Comme dans les autres îles des Caraïbes, on y a importé des esclaves africains pour cultiver le coton, le cacao et surtout la noix de muscade, qui est la principale richesse de ce petit territoire, pas plus grand qu'un département français. L'île des épices, comme on l'appelait. Un siècle et demi plus tard, à la suite de la désastreuse guerre de 7 ans, la Grenade passe dans le giron de la Grande-Bretagne. Et l'indépendance, alors? Elle intervient au XXe siècle, dans les années 70. Toutefois, la reine Elisabeth demeure en théorie son chef d'État et elle est représentée sur place par un gouverneur. Ça veut dire que l'île demeure dans l'orbite britannique? Oui, et demeure membre du Commonwealth, c'est exact. Le premier maître de la Grenade est un dictateur illuminé, adepte du culte vaudou et qui affirme être en contact avec les extraterrestres. Très sérieux, celui-là, non? Ouais, féroce, comme Duvalier à Haïti. Il règne grâce à une milice armée, les Mangoustes. Toutefois, en 1979, ce dictateur est débarqué en douceur par un petit groupe de révolutionnaires qui se réclament du marxisme et affirment aussitôt leur intention d'établir des relations cordiales avec Cuba. Ça doit être mal vu par Washington. Naturellement. Washington qui a toujours considéré que cette région du monde faisait partie de son précaré. Oui, la fameuse doctrine Monroe. En effet, oui. Or, la prise du pouvoir par ces révolutionnaires pro-cubains arrive au pire moment pour les États-Unis. Au Nicaragua, leur protégé, le dictateur Somoza vient d'être renversé. En Amérique centrale, au Salvador, des guérillas marxistes harcèlent les pouvoirs en place. Et puis, il y a la situation internationale, l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, la chute du Shah en Iran, ou encore l'intervention des troupes cubaines en Afrique, et j'en passe. Bref, un peu partout dans le monde, les Américains, à cette époque-là, subissent des coups. Et ouais. Le camp de l'Est marque incontestablement des points. Mmh. Alors, bon, on revient à la Grenade. Hein. Ouais. Est-ce que les nouveaux dirigeants se rangent d'emblée aux côtés des soviétiques? Non, ce n'est pas aussi évident que cela. Certes, ces révolutionnaires affichent leur sympathie pour les systèmes socialistes, mais ils ne se jettent pas pour autant dans les bras des soviétiques, même s'ils signent des accords de coopération avec les pays de l'Est. Et cette prudente réserve tient en grande partie à la personnalité du premier d'entre eux, Maurice Bishop. Ah, justement, alors, parlez-moi de lui. Bishop, qui a tout juste 35 ans quand il s'empare du pouvoir, a fait ses études de droit à Londres. Il a été très influencé par l'idéologie du Black Power. Il est noir, lui ? Oui, comme la très grande majorité des quelques 100 000 habitants de La Grenade. Bishop, qui a été emprisonné par le précédent régime, son père a même été tué par les redoutables mangoustes, n'est pas un sectaire. C'est un marxiste pragmatique et assez peu doctrinaire. En fait, c'est plutôt un social-démocrate. D'ailleurs, à l'invitation du président Mitterrand, il sera accueilli très favorablement par les socialistes européens. Est-ce qu'il entreprend des réformes ? Oui, des réformes sociales essentiellement, un peu à l'imitation des sociodémocrates scandinaves dont il est un admirateur. Bishop s'est attaqué à l'alphabétisation du pays, à la mise en place d'un service de santé gratuit, à la création de coopératives agricoles. Mais pas question donc d'instaurer un véritable régime communiste. Non, le nouveau régime n'a pas remis en cause la propriété privée, par exemple. Ah oui. Et d'ailleurs, il faut le souligner tout de suite, Bishop, tout au long des 4 ans pendant lesquels il restera au pouvoir, bénéficiera de la faveur de la population grenadine. C'était un personnage sympathique, très charismatique. Et son attitude, enfin ses relations avec les États-Unis. Ah ben là, c'est peut-être plus compliqué. Expliquez alors. Dès leur prise du pouvoir en 1979, il est évident que Bishop et ses amis ne pouvaient pas ignorer que Washington leur serait hostile. Et ça s'est vérifié tout de suite. À peine une semaine après le putsch, un émissaire états-unien est venu les avertir. La Maison-Blanche verrait avec un grand déplaisir la Grenade se rapprocher de Cuba. Clair ça, mais la réponse de Bishop ? Bon, le leader de la jeune révolution a répliqué qu'il ne laisserait aucun pays étranger guider sa politique. Et je vous l'ai dit, il a aussitôt annoncé son intention de nouer des rapports étroits avec le grand frère cubain. Alors ça voulait dire l'affrontement tôt ou tard avec les États-Unis. Certainement. Et les révolutionnaires grenadins n'ont cessé de craindre une intervention directe des Américains. D'autant que Washington leur a envoyé des signaux assez clairs. Ah, c'est clair, c'est-à-dire L'organisation de manœuvres navales, pas très loin des côtes de la Grenade. L'intimidation. Ouais, puis aussi un discours très menaçant de Ronald Reagan au début de 1983. Que dit ce président qui vient de mourir Le président américain évoque la construction d'un aérodrome à la Grenade. Un aérodrome pourvu d'une piste qui permettrait l'atterrissage d'avions gros porteurs. Parce qu'il n'en existait pas sur l'île. Non, mais on en reparlera si vous le voulez bien, car c'est un point crucial. Tout simplement vous dire, sans déflorer la suite de mon récit, que Reagan affirme que cet aéroport est construit par des Cubains. Conclusion, il est destiné à accueillir des appareils militaires. Des appareils qui pourraient menacer la sécurité des États-Unis. Par exemple, oui. Au fond, c'est un peu l'histoire des fusées de Cuba qui recommence. Oui, alors qu'on est en pleine réactivation de la guerre froide. Ouais. Donc ça ne s'arrange pas entre la Grenade et les États-Unis. Et Bishop réplique classiquement en accusant la clique fasciste états-unienne de vouloir envahir son pays. Mais en même temps, il ne coupe pas les ponts. Et en preuve de volonté de conciliation, il se rend même à Washington. Reagan refuse de le recevoir. Mais Bishop a cependant un entretien avec un conseiller américain pour la sécurité nationale. Et que lui dit-il, alors ? Le dirigeant grenadin est manifestement prêt à faire d'importantes concessions pour éviter que son pays ne soit victime d'une invasion américaine. Il annonce, par exemple, que dès que l'aérodrome sera achevé, les centaines de Cubains qui y travaillent regagneront leur patrie. Il affirme aussi qu'il mettra un frein au développement de ses relations avec l'URSS et ses pays satellites. Et cela suffit-il à réchauffer les rapports entre la Grenade et les États-Unis ? Ça devrait. Mais Bishop n'est pas tout seul. Il compte dans son propre camp des gens qui ne sont pas du tout prêts à accepter ces concessions faites aux Américains. Oui, là, c'est des vrais marxistes, ceux-là. Oui, et qui sont majoritaires au sein du comité central du parti au pouvoir. Un parti fondé par Bishop et qui porte un joli nom, le New Jewel. Et le nouveau joyau, c'est donc pas un parti communiste. Pas tout à fait, même si son mode de fonctionnement est à peu près le même. Enfin, quoi qu'il en soit, lorsque Bishop revient à la Grenade après sa visite à Washington, il est fraîchement accueilli par ses amis politiques. On l'accuse d'être trop mou, naïf, petit bourgeois, pour tout dire pas assez marxiste. C'est donc une vraie fronde qui se manifeste. Qui est menée essentiellement par deux hommes. Le premier s'appelle Bernard Cord, vice-premier ministre, c'est un ami de jeunesse de Bishop. Professeur d'économie, Cord est un doctrinaire, un théoricien et un idéologue très proche des soviétiques. Un rival aussi ? On peut l'imaginer, d'autant qu'il ne cesse de reprocher à son ami Bishop de n'y rien connaître en marxisme. Et l'autre là, C'est un certain Osden Austin. Bishop l'a rencontré en prison. Est-ce qu'il était enfermé lui aussi ? Non, mais il était de l'autre côté de la barrière, il était gardien de prison. Ça, c'est étrange, non ? Ouais, enfin ça n'a pas empêché les deux hommes de sympathiser et de combattre ensuite la dictature. Et quand Bishop est arrivé au pouvoir, l'ancien maton a été nommé responsable de la sécurité, et du même coup général. Ouais, mais général d'une armée d'opérettes, j'imagine. Bien entendu, l'armée de la Grenade comptera tout au plus 1 000 000 d'hommes. Ouais, mais attendez, pour 100 000 habitants, c'est déjà pas mal, non ? Oui, vous avez raison. Alors, Cord va profiter de la bévue de Bishop à Washington, c'est en tout cas l'opinion du comité central du parti, pour renverser son vieil ami et devenir calife à la place du calife. Oui. Avec l'aide d'Austin, naturellement, qui ne demande qu'à se laisser manipuler. Mais ces deux félons sont peut-être eux-mêmes manipulés. Je reviens un instant en arrière avec ces quelques lignes extraites du livre d'André Fontaine, Après eux, le déluge, publié en 1995 chez Fayard. L'ancien directeur du Monde revient sur les débuts de l'indépendance de la Grenade. Elle avait accédé à l'indépendance en 1974 sous la conduite de Sir Eric Gairy, personnage bien intentionné mais à qui le pouvoir tourna la tête. Appuyé sur son gang des mangoustes, version locale des tontons macoutaïciens, proclamant son règne de droit divin, il confondait allègrement les caisses de l'État et les siennes propres. Il se trouvait à New York, occupé à essayer de convaincre l'Assemblée générale de l'ONU de se saisir du problème des soucoupes volantes, lorsque 45 gaillards décidés le déposèrent sans effusion de sang. Ils installèrent à sa place un vieil ami de Castro, Maurice Bishop, chef d'un mouvement dit du nouveau joyau qui faisait partie de l'Internationale socialiste. Bishop mit d'abord en route une série de réformes sociales qui n'avaient rien de révolutionnaire, mais il alarma très vite les Américains en demandant à la Havane de l'aider à s'opposer à une éventuelle tentative de reprise du pouvoir par Gairy. Et bientôt, il signa avec l'URSS et Cuba une série d'accords dont l'un prévoyait la construction d'un aérodrome, selon Reagan, d'une importance suspecte. Ces pistes ne permettraient-elles pas aux soldats de Fidel, à en croire un assistant du secrétaire d'État, de gagner 2000 km sur la route de l'Afrique? Alors, revenons à ce soupçon de manipulation des rivaux de Bishop. À qui pensez-vous alors? Les plus sectaires des hommes au pouvoir n'avaient pas apprécié cette tentative de rapprochement avec les États-Unis effectuée par Bishop. Mais ils n'étaient pas les seuls. Mais qui, Castro? Castro, c'est certain. Il ne pouvait pas être très content. Mais il était lui-même bien placé pour savoir qu'il était dangereux de défier les États-Unis. Et sans l'échec de l'opération de la baie des cochons, il y a sans doute longtemps que Washington se serait débarrassé de lui par la force. Alors que pesait la grenade face aux géants américains? Et pour vous répondre encore plus complètement, il faut noter que Castro protestera après le renversement de Bishop. Et son ami Bishop. Oui, je crois que le leader Maximo avait une réelle amitié pour le dirigeant de la grenade. Alors, qui d'autre? Cord, je vous l'ai dit, était très lié aux Soviétiques. Et je pense que c'est le Kremlin qui a poussé à la chute de Bishop. Bishop qui risquait à terme de s'éloigner du camp soviétique. Selon vous, c'est à Moscou qu'il faut chercher l'initiative du coup de force contre Bishop? Écoutez, sincèrement, je le crois. Même si ce fut une erreur considérable, si l'on considère ce qui ensuite suivit. Ok. Alors, les faits d'abord. Comment ça se passe, ce renversement de Bishop? Fort du soutien d'Austin, chef de l'armée, Cord décide le comité central à démettre Bishop de ses fonctions et à l'assigner à résidence. Et quelques jours plus tard, à la mi-octobre 1983, tous les ministres pro-Bishop démissionnent. Les durs ont donc gagné? Mais très provisoirement. Le lendemain même, du jour où Bishop est démis et arrêté, des milliers de ses partisans envahissent les rues de la capitale, Saint-Georges, et libèrent sans difficulté leur héros. Ouais. C'est une démonstration éclatante de la popularité de Bishop, ça. Effectivement. Et les manifestants se répandent dans les rues pour clamer leur joie. Mais Austin et les autres ne tardent pas à réagir et font intervenir l'armée. Des blindés et des camions chargés de soldats foncent dans la foule. Les militaires tirent. Il y a plusieurs morts. Bishop et quelques-uns de ses amis sont à nouveau arrêtés et transférés dans une caserne. Le soir même, la radio annonce leur exécution. Leur assassinat, vous voulez dire? Bien sûr. À noter que parmi ses victimes se trouve même une femme ministre, la compagne de Bishop. Et comment réagit la population de la Grenade? Il lui est difficile de manifester. L'armée tient les choses en main, impose le couvre-feu, ferme l'aéroport et expulse les journalistes étrangers. En même temps, le général Austin, qui a pris la tête de la Révolution, prend soin d'envoyer un message d'apaisement en direction des Anglo-Saxons. Pourquoi tout de suite, là? Parce qu'il ne veut pas fournir de prétexte à une intervention directe des États-Unis. En effet, il se trouve qu'il y a un millier d'étudiants états-uniens à la Grenade. Que viennent faire ces étudiants dans cette petite île là? C'est une histoire un peu curieuse. Un médecin a eu l'idée de créer une faculté de médecine pour étudiants riches, mais pas très doués. C'est-à-dire une faculté où l'on délivre un peu facilement des diplômes. Exactement. Ouais. Alors aussi, il s'empresse de proclamer qu'il ne sera fait aucun mal à ces étudiants américains et qu'ils sont libres de quitter l'île s'ils le désirent. Mmh. Oui, parce que Austin sait très bien que Washington pourrait envoyer des troupes au prétexte de venir en aide à ses nationaux. Naturellement. Mmh. Ainsi que les grandes puissances ont souvent justifié leurs interventions dans leurs anciennes colonies. Oui, y compris la France. Bien entendu. Ouais. Est-ce que les déclarations du général Austin suffisent à rassurer les Américains? Non. Non, parce qu'à la Maison-Blanche, il y a déjà longtemps qu'on est décidé à agir. Et au fond, le renversement de Bishop et son exécution sont autant de bonnes nouvelles. Ouais. Passons. Vous avez dit que ces révolutionnaires avaient sans doute été manipulés par Moscou, hein, c'est bien. Mm-hmm. Que vous avez dit. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Washington ait aussi joué un rôle dans cette affaire? Je ne le pense pas, même si dans le passé, on a assisté à de telles collusions objectives. Je pense en particulier à la liquidation de Guevara. Je vous l'ai dit lorsqu'on a évoqué cette affaire. Le Che a sans doute été trahi par les communistes boliviens fidèles à Moscou avant d'être capturé par les Rangers. Cependant, dans le cas de la grenade, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que tout ça arrange bien Washington. Oui, parce que maintenant, les choses sont claires. Hein. Ce sont des révolutionnaires pro-soviétiques qui sont au pouvoir. Effectivement. Mmh. Toutefois, pour intervenir, il faut trouver un sérieux prétexte. Et Washington, les membres du Conseil national de sécurité, y travaillent activement. Ce sont les mêmes hommes, notez-le bien, qui sont au cœur du scandale de l'Iran Gate. Ouais, et de l'aide aux contras nicaraguayens. Oui, McFarlane et l'amiral Poindexter, le colonel North, et bien sûr le patron de la CIA, William Cassay. Et aussi un homme qui va être au centre de cette histoire, un certain Constantin Menges, un ancien de la CIA qui, au sein du Conseil, est chargé des affaires latino-américaines. Tous ces hommes ont déjà mis au point toute une série de mesures actives, comme diraient les Soviétiques. C'est-à-dire, là... Des actions de propagande. Le point central, c'est ce fameux aéroport. Oui, l'aéroport là, qui pourrait servir à recevoir des appareils militaires de l'Est. C'est ça, oui. Alors, penchons-nous un instant sur cette affaire. Pour les autorités de la Grenade, la construction de cet équipement n'a qu'un seul but. Permettre aux gros avions civils d'atterrir dans l'île et donc développer le tourisme. Oui, mais... Ce sont des cumains qui travaillent à sa construction. C'est juste. Mais c'est une firme britannique qui est le maître d'œuvre des installations techniques. Or, l'aéroport tel qu'il est conçu par ses ingénieurs n'est pas conçu pour un usage militaire. Les cuves de carburant ne sont pas enterrées et les radars ne bénéficient d'aucune protection particulière. Mmh. Autre point intéressant. Si sur place, ce sont effectivement des ouvriers cubains qui sont au travail, le financement des travaux a été en partie assurée par la communauté économique européenne. Ah bon, pour quelle raison? Participer au développement de cette petite île. Ça n'a d'ailleurs pas été sans provoquer quelques difficultés avec les États-Unis. Reagan a demandé en vain aux Européens de s'abstenir de financer les travaux. Mais Bruxelles a tenu bon. Toutefois, pour être tout à fait objectif, je dois souligner que d'autres pays ont aussi contribué à ce financement. La Libye, l'Irak ou encore la Syrie. Ah, des États voyous, selon la classification américaine. Enfin, l'important n'est-il pas que ce soit une firme britannique qui contrôle les travaux techniques? Une firme qui assure que cet aéroport n'aura aucun usage militaire. D'accord, mais enfin, est-ce que ces financements ne justifient pas les alarmes de Washington? Franchement, ça me paraît pas très sérieux. Enfin, peu importe. Ces hommes du Conseil national de sécurité, à commencer par Menges, étaient décidés à enrayer par tous les moyens la contagion communiste dans cette région. Oui, en utilisant là, ces mesures actives dont vous avez parlé. Oui, oui, il fallait persuader l'opinion que la grenade devenait une base militaire soviéto-cubaine. Et le président Reagan n'a pas hésité à montrer à la télévision des photos aériennes montrant une caserne de soldats cubains et la construction de cette piste si contestée. Mais c'est d'aller encore plus loin. Menges a fait courir le bruit que l'aéroport serait utilisé comme une base de lancement de missiles et que le port en eau profonde de la grenade accueillerait bientôt des sous-marins nucléaires soviétiques. Mm-hmm. C'était crédible, ça? Pas beaucoup, non. Non. Enfin, Menges n'en avait cure. Ce qu'il voulait, c'était obtenir de la Maison-Blanche un feu vert pour une action militaire. Et il a affirmé devant le Conseil national de sécurité, sur la foi de renseignements prétendument secrets, que Fidel Castro disposait de 300 000 soldats et qu'il pouvait en envoyer des milliers à la grenade en organisant dans les plus brefs délais un pont aérien. Mmh. Et Reagan, alors, était-il prêt, lui, à se lancer dans l'aventure? Il hésitait encore. Il voulait frapper à coup sûr. Oui, j'imagine, sans encourir une condamnation de l'opinion internationale. Bien sûr. Mais coup sur coup, ses conseillers vont lui fournir un habillage juridique justifiant une intervention militaire et l'actualité va soudain précipiter sa prise de décision. Vous avec X. La présence des étudiants américains à la Grenade pouvait-elle justifier l'intervention militaire des États-Unis ? Voici ce que je lis dans l'ouvrage très récent de William Bloom, « Les guerres scélérates ». Une autre justification de leur action avancée par les États-Unis, ce que le président Reagan qualifiait d'importance primordiale, était la nécessité d'évacuer plusieurs centaines d'Américains, principalement étudiants, au St. George Medical College, qui étaient prétendument en situation dangereuse en raison de l'accession au pouvoir du nouveau régime et du chaos qui s'ensuivait. Cependant, deux membres du personnel de l'ambassade des États-Unis à la Barbade, Ken Kurz et Linda Flohr, expliquaient lors du week-end précédant l'invasion que les étudiants américains à la Grenade, pour la plupart, ne souhaitaient pas partir ou être évacués. La Maison-Blanche reconnut que, deux jours avant l'invasion, la Grenade avait donné aux États-Unis la possibilité d'évacuer les citoyens américains. Cependant, des fonctionnaires déclarèrent que l'administration Reagan s'était méfiée parce que, selon eux, alors que le gouvernement de la Grenade avait promis que l'aéroport serait ouvert le lundi pour permettre les évacuations, il était resté fermé. Ce n'est que bien plus tard que la Maison-Blanche admit que quatre vols avaient effectivement quitté l'aéroport ce lundi-là. Quelques-uns de ceux qui furent évacués ce jour étaient des étudiants américains en médecine. Le recteur de la faculté de médecine, le docteur Charles Modica, en visite à New York à ce moment-là, déclara le jour de l'invasion qu'il était en contact radio amateur avec l'université. « Je pense que les informations du président sont très fausses parce que les Américains ont commencé à partir hier. » Le livre de William Bloom a été publié aux éditions Parangon. Vous avez parlé d'habillage juridique. Oui, je vous explique. Il existait une organisation qui réunissait quelques petits états des Caraïbes orientales, dont la Grenade, l'OECO, je crois. Une organisation qui était alors présidée par une femme à poigne, très pro-américaine, le premier ministre de la Dominique. Une sorte de dame de fer. Exactement. Et on lui suggère, sans grande difficulté, avec un chèque substantiel à l'appui pour son pays, de faire officiellement appel aux États-Unis afin de rétablir l'ordre et la démocratie à la Grenade. C'est un peu cousu de fil blanc, non ? Certainement. Enfin, ça arrange bien les Américains. De la même façon, ils obtiendront, après l'invasion, un document écrit du gouverneur les appelant à l'aide. Ouais. Le gouverneur qui, il faut le rappeler, hein, parce que vous l'avez dit, représentait la reine Elisabeth. Oui, oui, oui. Alors, ça pose tout de suite un autre problème. Les États-Unis pouvait-il intervenir à la Grenade sans un accord de la Grande-Bretagne ? En principe, non. Et d'ailleurs, Margaret Thatcher, consultée par la Maison-Blanche, s'est opposée à une éventuelle intervention militaire américaine à la Grenade. Mais Ronald Reagan est passé outre. Et dès le 21 octobre, deux jours après l'exécution de Bishop, il a donné l'ordre à une armada états-unienne en route vers le Liban de se dérouter vers les Caraïbes. Est-ce qu'à ce moment-là, la décision d'intervenir militairement est prise ? Formellement, pas encore. Reagan n'a pas donné le feu vert. Mais il est prêt. C'est cela, oui. Ouais. Toutefois, je vous l'ai dit, l'actualité va l'obliger à réagir. C'est-à-dire l'actualité L'attentat terroriste contre les marines au Liban. Oui, et aussi contre les soldats français de la force multinationale. Bien entendu, mais vous le savez, ce sont les Américains qui paient le prix fort, puisque plus de 200 de leurs soldats trouvent la mort dans cet attentat suicide. C'est un choc énorme pour l'opinion américaine, et pour Ronald Reagan personnellement. Jamais depuis la guerre du Vietnam, autant de soldats US n'avaient trouvé la mort. Et le président américain a presque aussitôt signé l'ordre officiel d'invasion de la Grenade. Pourtant, quel rapport pouvait-il y avoir entre les événements de la Grenade et la tragédie de Beyrouth ? Aucun, évidemment. Ah, oui. Et pourtant, dans une allocution retentissante prononcée devant les caméras de la télévision, Reagan n'hésitera pas à faire le parallèle. Qui se trouvait derrière les révolutionnaires de la Grenade et les terroristes de Beyrouth ? Moscou, bien sûr. Ah oui. Alors, c'est un peu absurde, cette histoire. Enfin, par conséquent, alors, en envahissant la Grenade, Reagan vengeait les Marines tués au Liban, c'est ça ? C'est ce qu'il a prétendu, oui. Et son discours très ferme, très guerrier, a convaincu les Américains. Sa cote de popularité a aussitôt grimpé en flèche. Et il me semble me souvenir qu'un journaliste français a écrit fort justement que la Grenade était les Malouines de Thatcher. Ouais, la guerre des Malouines qui avait permis effectivement à la Dame de Fer de reconquérir l'opinion britannique. Tout hein. à fait. Mmh. Et si vous considérez l'actualité d'aujourd'hui, vous est permis de faire des comparaisons édifiantes. George Bush n'a-t-il pas réussi, au moins dans un premier temps, de faire croire aux Américains que Saddam Hussein était responsable des attentats du 11 septembre. Ouais, et qu'il fallait donc punir Saddam Hussein au nom des milliers de victimes de Manhattan. Exactement. Ouais. Ouais. Mais la question qui se pose est celle-ci. Enfin, Ronald Reagan, croyait-il vraiment à ce parallèle? Bien sûr que non. Mais il a compris tout de suite quel parti il pouvait tirer de cette tragédie de Beyrouth. Mmh. Mais en se livrant à cet amalgame-là, il avait donc, c'est ça, hein, il avait les mains libres pour intervenir à la grenade? Tout à fait, oui. Mmh. Mais la réalité, alors? Bon, je pense que tôt ou tard, les États-Unis seraient intervenus à la grenade. D'autant que l'opération ne comportait pas de grands risques, hein, sur le plan militaire en tout cas. Quelle résistance la petite armée grenadine pouvait-elle opposer au puissant rouleau compresseur américain? Oui, il pouvait quand même y avoir les répercussions internationales. Bon, les protestations des démocraties et des pays socialistes, bien sûr, mais franchement, le sort de la minuscule grenade ne pouvait pas longtemps préoccuper les grandes consciences occidentales. Quant aux réactions des pays de l'Est, Reagan s'en moquait, car il savait que l'URSS ne prendrait pas le risque de riposter militairement alors qu'elle avait elle-même envahi l'Afghanistan 4 ans plus tôt. Oui, et puis la grenade n'était pas Cuba. Quoi. Bien entendu. Donc Reagan, avant même l'attentat de Beyrouth, était décidé. Mais après, c'était encore plus confortable, si je puis dire. Et rappelez-vous, l'opération de la grenade n'a pas fait très longtemps les grands titres des journaux. Non, dans cette affaire, Reagan a fait coup double. Ouais. C'est-à-dire coup double Sur le plan extérieur, il a montré ses biceps. Hein. Oui, éprouvé les biceps. Éprouvé que les États-Unis étaient parfaitement capables d'intervenir militairement quand il le fallait pour contrer les Soviétiques. Incontestablement, c'était un message directement adressé à Moscou. Un avertissement. Oui. En somme, c'était une sorte de complément à la guerre des étoiles que venait d'annoncer Reagan. On construit un formidable bouclier antimissile, mais en même temps, lorsqu'il le faut, on peut aussi utiliser la politique du gros bâton. Mais l'intervention à la grenade obéissait surtout à un objectif intérieur. Oui, c'est la reconquête de l'opinion, comme vous l'avez dit. Certainement. Les États-Unis étaient encore obsédés par leur humiliante défaite au Vietnam. Fallait donc redorer le blason américain et montrer au peuple des États-Unis que leur pays était toujours une considérable puissance. Oui, bon, écoutez, quand même, une victoire à la grenade n'avait rien de très glorieux. En raison de la disproportion des forces? Ben oui. Mais Reagan, en agissant ainsi, regonflait les sentiments patriotiques des Américains. C'était ça l'important. Oui, le symbole. Oui. Oui. Toujours le même ficelle, au fond. Ben, hier comme aujourd'hui, hein. Alors, si vous voulez, parlons de l'invasion elle-même. L'opération commence le 25 octobre, au matin. Plusieurs milliers de Marines, Rangers et parachutistes y participent, appuyés par une importante escadre et un porte-avions. Et en face? Ben, il y a le millier de soldats de la petite armée grenadine et quelques Cubains. Mais ça, attendez, Cubains, c'est important, ça. Combien de Cubains? Oh, il y avait à peu près 700 Cubains à la grenade. Mais la plupart étaient des ouvriers ou des techniciens qui travaillaient sur le chantier de l'aéroport. Et les autres? Ben, c'était des coopérants. Mais est-ce que les Cubains vont prendre part au combat? Certains, oui. Mais ils se rendront assez rapidement, après avoir perdu une vingtaine d'hommes sur l'aéroport. Ce sont surtout les militaires grenadins qui vont résister et se battre. Se battre pas très longtemps, quand même. Et le bilan? Parce que, hein, on le pense, l'issue ne pouvait pas faire de doute. Au total, une vingtaine de soldats américains seront tués et une quarantaine de grenadins. Mais les opérations militaires provoqueront de nombreux dégâts dans l'île, pour des dizaines de millions de dollars. J'ajoute que l'invasion se fera hors de vue des caméras et des appareils photos. Ah oui. Et sur le plan politique Les hommes qui ont renversé et tué Bishop sont arrêtés et emprisonnés. Et l'année suivante, un président pro-américain sera élu sans surprise. Il faut aussi dire que dans son ensemble, la population de la grenade n'a pas mal accueilli les militaires américains. Alors pourquoi selon vous? Parce qu'ils venaient déloger les gens qui avaient tué Bishop. Bishop qui reste un héros encore aujourd'hui pour toute la population de la grenade. Mais je voudrais revenir sur un point particulier. Et là encore, on ne peut s'empêcher de faire des comparaisons avec l'Irak et ses prétendues armes de destruction massive. Je vous écoute, alors. Très peu de temps après l'invasion, la Maison-Blanche a annoncé que les militaires américains avaient découvert des stocks d'armes impressionnants, capables d'équiper des milliers de terroristes, et que les Cubains étaient en plus grand nombre qu'annoncé, et que certains d'entre eux continuaient à se battre dans les collines. Oui, mais alors? Eh bien, tout était à peu près faux. Comme était fausse l'annonce de la découverte d'un centre d'entraînement pour les terroristes. Enfin, il fallait bien justifier a posteriori l'invasion. Le journal Le Monde du 29 octobre 1983 donne des extraits de l'allocution télévisée de Ronald Reagan prononcée après l'invasion de la grenade. Ceci, par exemple. Nous avons découvert une base complète avec armes et moyens de communication montrant clairement qu'une occupation cubaine de l'île était prévue. Grenade n'était pas l'île de paradis pour touristes que l'on disait, mais une colonie soviéto-cubaine dont on était en train de faire un bastion pour exporter la terreur et miner la démocratie. Nous sommes arrivés juste à temps, dit le président qui ajoute, ce n'est pas une coïncidence si au moment où des gangsters ont essayé de prendre le contrôle de la Grenade, il y avait 30 conseillers soviétiques et des centaines de soldats cubains dans l'île. Je crois que ça se passe de commentaires. À samedi prochain, je vous rappelle notre site franceinter.com.